13. 1. Ses amies polonaises arrivent demain. 2. Nos amis espagnols sont là. 3. Ses amis arrivent demain. 4. Ce sont les Américains. 5. François est assistant social. 6. Claude est belge. 7. Marthe est une excellente musicienne. 8. Marc est très bavard. 9. Son amie, c'est une Italienne. 10. C'est un peintre autrichien. 11. Daniel n'est pas veuf. 12. Pascal est marié.